La famille m'a mbecté lol de le suat ni mlem ko digé won ci li nga xamné modi wallahi bi digon len rendez-vous tay ji ci mardi ji tay day walu kom kom rew lompagn no febaru mako ko dal fo lamb ngi metti metti na lol taxté xamna la famille nga yu bari amon nañ ci mbecté ma ngi gis ndengler moy nuy la famille yeb ciat ba ciat da jom su ben xarit bu koy wax suñu ben groupe do xamne bañu seeb bañ bokke 6e secondaire seeb dañu créer ben groupe ñam ci ben gaay mu neex way day wax ne suma limé djum ma ngi nuyu ciat ba ciat manit ma ngi nuyu fi ciat ba ciat di nuyu ñepp ku nekk mala jox sa waccu way sa cieur di rafetlu bu baakha baax dynamisme bi nga xamne amna ci biir groupe bi ak waxtan yu am solo yi nga xamne nit ñang koy def kon mané gaay jali ni jeuf bi yepp respect respect bu mat seuk parce que xamna amna ñu bari ñu am mbekté ñu gis né wa ndengler jot nañ seni souf amna kumay laaj numéro diaspora bi arona xamna mi ngi list ci xaar yoyu waaw 41 21 41 diaspora bi yena mom bobu bi pan dakaru ñoko mom kon leer na mais xamna am ngeen contentement lol ziar arona ni lay ziar bu bax alors am ngeen contentement lol bu ngeen yegene gaay weur nañu weur ba son mu jël delo ndengler sun xalif may la ma dan wax rek xam nga mbir bi bokoy jangat ba ci biir l'unique responsable c'est l'état L'unique responsable, c'est l'État. Motax xam bu ci nekone affaire strictement privé do ci fa gis ñaari ministre de la République dem di négocier. L'unique responsable, c'est l'État et c'est l'administration sénégalaise. Lolo deug c'est l'administration sénégalaise. Parce qu'en réalité, le fond du problème, bail état koy joxe, titre foncier état koy joxe, bail état koy joxe, titre foncier état koy joxe. Te Babacar Ngom ci lu yépp lu muy bari fo wax mu ne yor naa sama bail yor sama titre foncier. Yor naa sama bail, yor naa sama titre foncier, manam yor naa sama kayit yi wone sama moomet. Na ku kuy dugg di woote waaw, kooku xam naa daan essayé, waaw kooku da daan essayé. Donc waaw, donc may wax rek ñoo joxe état joxe de. Munuma lire je tour motax muy wax na papa le faut pas avoir peur, il faut dire Macky Sall. Xam yow xamoma peut être yaangi dogu dugg ci live parce que man amuma lumay ragala wax ak lumuy wax. Macky Sall nekul DGID amana bañ koy jox DGID ki ko jox administration bu nguur amana yeguko. Man na wax amana la wax mëna yeguko de, man na xalaat parce que looluy dëgg. Li ngay dégg ci litige foncier barki Dembo Ndiaye rek maa ngi wax ak xale yi may liggéeyee fii ma ne le mu ngi wota de. Allo allo allo. Salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Papa Ali ñu ngi lay ziar. Ñu ngi delloo ziar. Man Serigne Saliou ngi koy wax. Waaw Serigne Saliou, waaw ñu ngi lay ziar bu baax. Waaw man moom xale bu ndaw la, xam naa bariwuma xamuma ci lu bari. Waaw mais li may wax mooy pour 2024. Allo allo wa dégguñu la baax, doo yëkkati kàddu gi. Mais li may wax pour 2024. Waaw yaa ngi bi Macky Sall jóge wax ba teg si kenn ban teg si ku ku gëm daal koo xam ku mel ni Ousmane Sonko. Naa yow parce que yow Sonko nga faral yow. Ba non xamuñu ne famille bi moom dañoo libre moom. Moom ku nekk wax dafa leer daal moom ay proposition dafa leer. Waa xamal nag léegi dama lay wax benn mbir wax ju neex rek doyatuma jëfal mu méngoog li intérêt sénégalais yi bëgg mën a waajaa ngi nii. Parce que foofu laay waxee ne benn leader du fees sama bët amaana ñi fi jaay bëpp yaakaar naa soo ko li proposé. Waaw d' accord léegi loolu laa wax, ma ne amaana da ngay yaakaar ci lim proposé waaye Macky Sall balaa mu fi falu lan la fu proposé wul timit. Ah vaar yi wane na ko wala wane wu ko. Ah ngay da ngay dem ba ci jéem waaye xam nga loolu boo koy waxee ne nit ñi dañuy décourage. Waaw découragé moom amu ci, foog ñu fal kenn. Voilà foog ñu fal kenn, ku nekk nag ki mu yaakaar lay fal du dëgg. Liberté moom moo indi isoloir, ku nekk dugg si isoloir votel ku la neex du dëgg. Voilà jërëjëf, ñu ngi lay sant di la gërëm. Amin amin amin amin. Non nañ bàyyi noonu bàyyi leen mu sedd. Bàyyi leen mu sedd bàyyi leen mu sedd. Yàlla baax la yàlla baax la. Yàlla baax la ci kanam rawli bët. Yàlla baax la yàlla bu yaakaar googu tas. May wax gars yi ne leen xam nga ñoo joxe kayit yi, kayit boo gis ñoo ko joxe. Waa est ce que mën nga toog sa bureau climatisé yor say kayit puis lu kayit toog nit ñëw na la 200 hectares 300 hectares doo raf sax boo koy signé doo raf boo koy signé. Sama gars yi seen ram dafa tàng de. Allo oui allo pap. Waaw Salam Malikum salam. alaykoum. De Paris. De Paris. Mais, De Paris ou de Paris? de Non, je charrie. Paris. Mais toi. Wow. Que tu ailles te reposer, Billahi. Tu sais pourquoi? Le problème du Sénégal, pour moi, c'est sa jeunesse. J'ai jamais vu vraiment du monde entier une jeunesse aussi peu impliquée par les problèmes de son pays. rax On ci peut dole pas dama la dire ci qu'on a yokalal une. benen affaire Ah. setu len benen affaire gizo temps yi commencé nañ teug lamb yu bari tu n'as pas remarqué ça ma ko yax legui ben nga mëna ba yow ligay xalaté graw ko man ko setlu won covid ba ngi am ciow la ngi am xamagul dat ni nga bëgg indi ay lamb yu bari bari c'est vrai je veux bien que mbeur yëpp bëré parce que moy sen gagne-pain Mais, gars, c'est à dire ne vous laissez pas divertir par Mais l'intérêt bien du sûr. Sénégal. Mais bien sûr. En fait, une jeunesse, normalement, elle doit être impliquée par les causes de son pays. Au Sénégal, on est environ 60% de jeunes, tu vois. 60% de jeunes, ça veut dire quoi? C'est aux jeunes. Maintenant, 25 ans, je sais même pas dans ma vie ce que sera fait demain. Je sais même pas. Ah, ou me diplôme, études, mais tu n'as aucune perspective d'avenir. Tu vois? À l'heure Que le actuelle, il n'y grand a idée. aucune perspective. Aucune perspective d'avenir, aucune perspective d'avenir. En 25 ans, 28 ans, ex-papa, t'as rien à faire, tu es mort. Et tout ça, pourquoi? Parce que des politiciens qui s'en foutent du pays, qui dilapident nos richesses, qui ne créent aucune industrie, déjà pour commencer, aucune industrie, aucune formation industrielle pour les jeunes, rien du tout. Moi, je suis un jeune au Sénégal, j'ai peur. J'ai peur, j'ai 28 ans, je me dis, j'ai pas d'avenir. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais acheter une maison? Quand est-ce que je vais... Je veux pas parler de l'Occident parce que j'aime pas donner comme exemple pas beaucoup maillard sur la ligne. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Regarde tous les biens d'intérêt public au Sénégal. Tous les biens d'intérêt public. Le transport, c'est qui? C'est Eiffage. Le réseau, c'est qui? C'est Free, c'est Orange. Bolloré, etc. Tous les biens d'intérêt public, c'est qui? C'est les Français. On n'a aucun champion national. On parle de On Neymar, ne crée on même parle pas, de. On on n'appuie même pas. crée rien du tout. Donc, le, moi, je te dis, c'est la jeunesse. C'est à la jeunesse de vouloir. Comme le disait le grand homme, un jeune, comme Michel Ardel, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Mais jeune, est-ce que Dernenko aussi? C'est à nous de se Je lever ce pose la matin. question. Etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais nous, La t'as les question, deux non, coups mais. de taquet, yow nga tak jëpet. Nena len, mëna wama benen Exactement. nationalité, damay juroom ñaari maam amuñu ko. Ma ken wax lolu. Merci, voilà. Boko C'est ce que talé je mu te tak dis. jëpet, yow da la fi bay. Mënul nekk. Exactement. Pas vraiment. Excuse-moi de coup de. Mais ce que je veux dire, c'est simple. Quand Mais il y a un problème, il y a une cause. Il faut chercher 46 000 choses. Là, j'ai vu les municipales en France. Ils boivent à 19 ans, 23 ans, il y a un maire. Parce Ouais. que je n'aurais d'avant. Mais au Sénégal, tu vois des dinosaures depuis 1900, depuis 5 ans, ils sont là. Mais c'est aux jeunes de lancer une nouvelle dynamique, aux jeunes de s'inscrire en politique, aux Gaï jeunes de de vouloir. Goulen. Voilà. Gaï de Aux jeunes de Goulen. vouloir. Aux jeunes de vouloir inscrire une dynamique, aux jeunes de vouloir inscrire une industrie. Faut pas... Il n'y a que des écoles qui font quoi? Du marketing, du site. Aucune industrie 2024, il n'y aura au monde. L'air C'est là, ça. alors. C'est À la ça. jeunesse Mais de la que des prendre choses, ses c'est quoi? responsabilités. Aux jeunes de prendre leurs responsabilités, aux jeunes de vouloir investir dans la formation industrielle. C'est à l'État de créer une industrie fiable. On a du gaz, on a du pétrole. Beaucoup de process sont liés à cette industrie-là. Créer même de l'industrie, former les jeunes à ces métiers-là, faites quelque chose pour les jeunes. Mais si les jeunes eux-mêmes ne proposent pas, ne sont pas force de proposition, où est-ce que tu vas aller? Vous jeunes, on en a marre, on a 25 ans, on a 28 ans, on a 30 ans, on a peur pour notre avenir, aucune perspective d'évolution, aucune perspective d'avenir. Les affaires sont changées. Parle moi pas, Goudelna, mais en tout Non, cas, ça me vraiment, ça me fait mal, parce que yo là, tous les jours, tu es là, tu fais des lives, on te non. fait quel rameau le neurone. Mais la seule chose, c'est les jeunes. Mais c'est aux jeunes de se lever, c'est aux jeunes de parler, c'est aux jeunes de vouloir Mon prendre leur laveur avenir légué, comment en on main. va pas mal, manalène, oh, arrêtez. dem leen ngeen xeex dem leen ngeen xeex ba pare laa ci ba sonn. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil, vraiment. On va remercier sa contribution. Allô? Allô? Allô? Allô, Yang en direct. Hein? Allô, allô, Fayelie Beglo, s'il te plaît. Mana Yang en direct. Malikum salam. Voilà, famille, depuis Australie. Australie! Australie, waaw yow dafa ngay wote sori la. Waaw gis nga pap. Pap ñu ngi lay ziar la ñaanal bu baax a baax. Yal na yàlla nangu. Du fan yàlla maylo suñu kanam. Amin. Man xoolal man dag ma may dégg si sama papa ma sama la mais dag ma may dégg si kanam fu mu toll dama koy dosé léegi. Dama nga koy dosé. Dama koy wax ne ko lul pap allé. Waaw dugul pap allé. Pap Sénégal li ci nekk lépp mënuñu ko wax. Grand mënuñu wax que Sénégal buñ koy wax fii de suba duñ fi jógee. Mais lu ñu ñaan rek mooy gis nga jàmm ji am Sénégal. Dañu ñaan rek mu continuer sax pap. Waaw mu ngi leen wax bu la paase Sénégal kenn du ko taal dañ koy régler ba mu ne kot. Waaw ku tiitul nag ci Sénégal. Amoo seetlu. En tout cas. Amoo seetlu mooy amoo seetlu. Waaw ku tiitul si Sénégal non amoo seetlu. Waaw mais yàlla baax na de toute façon nañu am gëm rek gëm bu ñu amoon démb bés tey moom la ñuy continuer di am ñuy continuer di ñaan rek. Jërëjëf. Duma yàgg nag si ligne bi di la wax ne la famille depuis Australie nag. Jërëjëf yaa yor foofu yaa yor zone boobu Australie. Yow jeex na ko. Jeex na si Franck Timis. Jërëjëf. Si Franck Timis. Franck Timis. Franck Timis dañ ñëw Australie paraît il la. Bu ñëwee dañ koy tëj de. Mais dama leen waaw mais xam nga comme xaaf australien ak xaaf roumain la kañ moo tax ma neen la ci Franck Timis rek. Waaw ci Franck Timis. Kenn wàll comme nationalité australien ak roumain la yor moo tax ma waxee ko ñëw ci mëdd si extraordinaire bande yooyu ñëw caxas caxate les ressources naturelles dem seen yoon. Non dëkk bi non kenn mënu ko. Di n'importe quoi. Non c' est du grand n'importe quoi. On touche même pas le fond mais on creuse le fond. Pap Sénégal maguette. Ay homme dafay wuyu rek lañuy jëflante. Foo laal mooy métti. Waaw d'abord maguette la moom laa wax léegi si suba. Waaw naa bañ a créer ligne bi. Jërëjëf waay jaajëf. Kontaan naa jërëjëf. Jaajëf waay. Jërëjëf merci. Allo. Allo. Safalé. Oui. Allo oui. Oui. Jamba. Boubacar Camara depuis les États-Unis. Boubacar Camara, États-Unis, ça va? Oui. Bien appris, pape. Ça va? Il ne faut jamais se décroiser dans une. Jamais? Non. Vous êtes en train de conscientiser les jeunes Sénégalais. Absolument. Lola bëgg wake up guy. Foog affaire yi kumb. Partagé leen jeune yëpp ñuy déglu. Di wax ne ñun ñoo war a jóg defar suñu réew. Amul ragal amul tiit. Voilà man nag soo waxee. Xam nga kuy si prépare une guerre c' est une guerre secrète que les gens sont en train de préparer. Macky est dangereux mais nous sommes plus dangereux que lui. Lu mu ci bëggoo ba ñun ñoo ko si mais nous allons faire des étapes. Ce que tu es en train de faire c' est la sensibilisation. C'est la mobilisation, c'est l'animation. C'est la première étape, c'est une étape très importante. Absolument, c'est important. Vous avez des milliers de jeunes qui sont derrière vous. Les Sénégalais sont fatigués. L'agriculture ne marche pas parce que les paysans sont bloqués. Dans une nation, si l'agriculture ne marche pas, qu'est-ce qui va marcher? Les terres sont confisquées par les pouvoirs, par les gens influents. Et je vous assure que nous sommes de la victoire, continuons ce combat-là. C'est un combat de vérité. C'est un combat de justice, c'est un combat d'égalité sociale. Je vous remercie, Mabaye Dérénie. Jerejef, merci beaucoup. Il ne faut jamais se décourager. Vous avez dit, Mère Gaye. Allô? Allô? Salam alaikum. Malikoum salam. Nous les nuits de la Sia. Je vous ai fait beaucoup de bien. Deux fois, nous les deux. Parce que nous les deux. Ambaka la sa xarit nak ci xarit Ambaka wa meddo est ce do ma ni ngi deug parce que dama am dama la defal au parleur motax ma ngi jog ok très bien xam naani nak ñi nek nak ci biñ bi nak dañu xaw bari waaw sa ñeeram dafa tan xam na sax xam nga da te kéro ma lay sandi do lay xeer way dara lepp dal ci défend rek non y a pas de souci nous on a été jeunes on t'a connu personnellement buntu deux estives xeyna nak do ñu xamé c'est que tu es une très bonne personne très ouverte très engagée d'un coup de goût waye pap ale nak il faut nak ñu ñëwaat ak ci benn mbir ban ci ndax on a remarqué que né nit yi dañuy nek Europe di woté non la jeunesse né engagé ou non né wacc sur le terrain mais pap ale né wante deug ñata ni ñoo fi wacc sur le terrain ñu japp leen tej kacho fenêtre rebeuse ñepp né selaw kenn du ci wax yo da ngay xex wacc sur le terrain ñu japp le sen jabot bay sa yaay sa pap bay sa wa keur kenn du ngal manam yo da lay faté dal manam xeyna takarim fu xak on a vu que il y a eu des activistes qui ont forcé le combat mais nak il faut tamit ñuy bay nit ki di wacc sur le terrain di len motiver ñu xassé rek ba japp len nak ñepp en réalité je te dire tu sais le fond du problème c'est très simple xam nga buñu nekké ñu wacc dafa néw c'est dommage parce que mané bu nekké né ñi fi wacc dafa néw néwal do leen di day yom waaw mais bu nekké né waaw mars bu nékkon le 23 juin buntu assemblée nationale kan mo leen mënono té deugël pape way pape li ngay def ni gissé nak 23 juin du bari nak dañuy faté 2009 nak la bari 2009 ya ay faté lo ay benno ci Sénégal ay ki bobu non c'est un processus lepp lo gis dal du xey rek tax manam li ngay def ni li gëné ay dossier nit yi am Sénégalais nak dañuy nan tek way bu jotté tamit mu yomb bu jotté dem rek 2023 2024 bu jeex tax ñepp dem voter ji keneen ñoo falu deuk bi avancer tay pap ma lay gërum dal wa buguma tamit yagg merci beaucoup c'est gentil vraiment merci beaucoup vraiment encore une fois dit vraiment lima tax juk sax moy remercier ba pare bu nangul lima lay sandi xer non ci souf buma ko jappelé ndax té ñu non man ga xalo xaram wax la walé xaram wax la man gaana gorus la dootuma febar sandi xer yëngaluma Mais c'est pas grave, Ogère. Merci beaucoup, c'est gentil. Allô? Allô, oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Norvège. Ah, tu t'es négla, famille, vous avez un appel, sorry. Australie, Norvège, voilà. Ah. Allô, Kokon là? Mané, c'est quoi, Norvège? Non, Norvège, ok. Ah, what do you want to do? Dis, Hana, Hana, Loma? Si, Moumla, Mané, Norvège, what do you want to do la dernière fois, non? Et puis, chaque jeudi, parce que bye, le vendredi, ah, bon. Non, vendredi, bien, mais d'abord, les gars, comment on compte pour le moment, non, pas le vendredi et samedi? Parce que c'est what you want. Wow, dernier match. Dernier match. Voilà, on est ensemble, on est une famille, on est ensemble. Absolument. C'est mon formulaire, on est une famille. Pap, moi je sens que 2024, c'est notre boss là. Hein? Découragez-moi, nous sommes dans la diaspora, nous nous mobilisons. On sent que 2024, c'est notre boss là. Parce que on a raté 2019, c'est pour vous avoir raté, nous sommes dans notre boss. Parce que nous voulons voter en masse, mais nous nous devons. Ba nga xamné nanguñu bay ñu voter jël suñu carte jël suñu droit jël suñu lepp lool motax 2019 dem nu mu démé mais 2024 non wa diaspora bi ñepp ñoy wacc Sénégal na dem nu mu wara démé suñu yoon néwsi mais ma dama xalaat ni combat bi da nga gis même fekké wa diaspora bi ñu koy mëné mais da nga gis ni dess na sur le terrain bu Sénégal parce que activiste ya ngi fofu ñu ngi def lu ñu mëne mais politiciens yi nanguñu def comme Mali nga xamné ñu jël ñu porté combat bi nga gis population bi genn pop nga gis politiciens yi nek fofu nek devant la scène ba lolu mo manqué Sénégal mais dina basté comme que Mali ñom ñu ngi ni di def tout pour jot sen dëkk donc ñun tam dina jot suñu dëkk inshallah rabbi inshallah je parle avec le cœur mais billah man gëm na ni 2024 day pass 2024 ñu jott ci Sénégal ñun waaw la famille va jouer un rôle important inshallah waay 2024 c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas rater inshallah rabbi qu'on ne peut pas rater inshallah mon monde on ne peut pas rater ngayif buguma occuper ci bi lim bi xamna ñi ñangi bëgg woté fu nek donc Australie ngayif Norvège ñepp dañu bokk la ñepp dañu adhérer waaw Norvège Australie et wa Chine déggouma len ak wa Japon woté len do bëgg xam ndax famille fofu ñi ngi fa wala den Chine ak Japon bo ma ngi len di déggu ñippay ñew ñippay adéré pa ay jëf ay jëf jëf way way tay sama yaram sama magasé ñam na fa tangalo wa Italie mom ils sont fidèles à la poste Italie mom mom gatcha nga la may nuyu sama sama sama sama sama sama belle sœur ak frère wa koy nuyu ba koy nuyu ah mais c'est bien c'est bien quand tu ak sama chérie légui bob Ah, c'est bien, c'est vraiment. Di content rek di la ñaanal Yalla wax deug Yalla. Jërëjëf. Gis nga diaspora bi. Diaspora bi ñi ngi def li ñu man, ñi ngi ci réseaux sociaux di. Ah non, ça ça do nga leen koy sédel. Di woté. Ah, di woté même élection yi passé dañ ci sonn ba bëggëté. Parce que lu né inquiet na ñun ñi di leen sensibiliser, di leen wax pour ñu yéwu. Mais sénégalais ci bopam ñoo neexu la yé. Ah ñom dañuy xaram. Gis nga 2024 ak waaji ma gis ni. Buñu jël suñu moto way limu ko jaral mu jaral ñuko jëna jëma forcer wat pour troisième candidature ah élection yi passé ñepp gis nañ ko ah les primes importantes jottu ñu seen carte d'identité lool lay wax na mais tout de suite ça dama ko la famille je veux bien que qu'on mène une campagne au niveau du groupe pour ñu sensibiliser gaay instant bi ku jëpp ton sa carte d'identité carte électeur nga dem li jënt ko bala ñuy tudd wax élection buñ xaar ba la ci di jëpp ñuy wëri carte yi commencer len ko tay yi bon on va commencer ça je vais demander à suñu infographe bi mu duggal ko ñu défar ben ki allez chercher vos cartes d'identité carte électeur taxaw bi xaar gis nga Macky Sall bi mu toggé ba légui ben élection bu normal organisé wu élection législative gis nga ni mu démé da ko ñu ñaat D'accord, la même chose. Gars, je vais après vous dire que je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Voilà, très bien. Mais pas. Oui. Pas, c'est un problème pour le Sénégal. Madame, si nous sommes là, pour tant que vous avez imposé 40 000 francs pour être testé, c'est un état là. Amul état pour quoi? C'est un état pour quoi? Amul état, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous Ah, fini ko ni enrichir les instituts parce que institut lañ koy imposer sax nga koy dem te tu faut je pense que tu dois voilà voilà ils font ça ils font ça pour la France mais pays yi fi ken la djewul ay test ñoko organiser pour fokk ci poste nit ñi nga xamantene ñom yaratu ñu dara ndax dañ fa ñew vacances tan fofu amna ño xamne sax dañu jaay seen terrain sax dégg na lolu Tenez bien. Dañu jay seeni terrain pour am bien bu ñu ñibé. Koko c'est des impactés. Et da la wërona timbali. Mais wërona profiter ñom di fokk sen xaalif. Di len rat, loolu dafa rafatul. Benen bi pap alé. Waaw. Dégg na Jaber bi ne kon transray. Def na ci produit. Ya non arrangement ap. Def na ci produit. Dama dégg produit. 5 milliards la karma, mën na la wax kay lu xew. 5 milliards la indi won ba muy jël suñu wor. Bon, nous avons wow. évalué ce noir, rien que patrimoine immobilier, bi, nous avons à 80 milliards, 5 milliards de dollars sur la poste. Tout d'un coup, ce noir, Kay Subatel, nous avons New York un groupe de Advance. Nous avons Kay Subatel, Kaolack, et Ziguin Shore, une société française qui est April. Parce que, si nous avons Kaolack et Ziguin Shore, nous avons triturer, maintenant, nous avons c'est 400 000 tonnes. Gaay na du fi dem mu bloquer affaire am yeb bañu déme ba ci biir nak état bi nangou fokat affaire bi nga xamné say say li ñuy def ñuy dem ci souf ñu négocier ak mom jox ko 6 milliards 700 ta mom 5 milliards lay di won te defu ci dara non timit la def ci transray transray dara la ci defu dafa xey suba tel ñu jox ko 20 milliards non 20 milliards lañ ko délamager mom timit mu génn ci ba set mais Sénégal mo neex Sénégal mo yi dal bu ñu jëf dina xara ñam Sénégal Sénégal bo ñëw rek ñu ubbil la bunte bi dal say milliards dem sa yoon ba paré jet privé la ñoy and ak Robert Bourdi ta xam ñepp xam Robert Bourdi ci tay tay ci Afrique mais Robert Bourdi mais man dal Sénégal daf ma jaxal les étrangers man lool moma ñëk jaxal comment nous nos autorités bi li def ak yépp bo xolé homme d'affaires bi ba geustu ko ba ci biir biir rek tañaa nga lay Avec leur complicité. Ben Camerounais ñeu fi jaar ci kaw immigré ak ñu jël ay terrain da koy jaay terrain ci ko publicité fofu ci fofu ci fofu Aliou Sarr dëkk waaw mu ñeu rek ci terrain ñata jabas jaar ci kaw gaay dem yoonam mais man Sénégal ñu don moñu dal lan moñu dal ñun lool dem ci makoy wax nak gaay dañu wax né ay ki non non mais li dafa jé xol quoi et puis affaire wu ndengaler bëw man dama gaay dama yaakan gaay dañu reculer pour mieux sauter nañ dem attention parce que degna après néwr bi dañuy négocier gëna la gaala limu acquérir terrain yi limu acquérir souf soosu jaaduwul dañ ko fokk di nangu ko rek moy yoon amul dañen arrangement ah légui rek comme andal dina jot nañ sen souf wa ndeng leen nañ am fuller rek man lool lay wax kuma wo fi dima waxi souf man leen def leen ni wa ndeng leen ma kenn sonal ak yox ben camp mais nak papa le changement bi ci Sénégal yépp ñoo wara and xéxando ko système bi tay système c'est un système corrompu ñu sénégalais yépp moy ñu nekk ci sénégal ak ñu nekk ci réew ñepp ko wara and xex ko ñu ci def ce système top satti yi nga nak suñu alal yi ñu satti ñu top leen ñu déllu ci alal ji nga bal ma jërëjëf té mom sama gaay séléram tang na trop allo ya nga en direct allo ya nga en direct do wañi li ngay deglo pour te deg deg ngeen na wa leg na no ma ngi déplacer wu très bien job na baye ante timit yow def da yow timit do te ante bi non wa mom leg dana ko wax dana ko wax son way dama ni dama bi non ci jour tout yi wa nañ li baye ngay développer tout wa parce que information yi dama amna ci sox waaw ñu dem ñu commencé rek légui commencé débattre vraiment si j'ai taxaso waaw neexna nak vraiment parce que après tout ku nek Australie ku nek Norvège ku nek partout li wote neexna ci xol waye nak wax deug yalla suñu baye ñu développer touti après nak ñu dugg nak wax ci liñ développer boway organisation lay don dal wa légui mayma ma ñaan ko gaay développer len ben 5 minutes 10 minutes luma bëggon wax ci situation économique dëkk bi justement rek après nak wow. Ngeen dugat téléphone kon may ñaan ha gaay may len ma 5 minutes ha kon 5 minutes rek ma door bi yenn affaire yi deug len yenn affaire yi ñu avancer door taw soy tay jo len bëgge ñu def 1h30 amul problème d'accord nga tonto d'accord ok ma ñaan na ko dé allô Allo waaw Assalamualaikum Malikum salam gaay dañ ñaan ñu may ma développer pendant 5 minutes rek voilà très bien bon légui gaay xam nga réew mi daf ma jaxal dama bëgg xam nga dañu dégg président Macky Sall mënañu taux de croissance bi ndax covid bi dina joggé ci 6% ñew ci 1% 5 points lañ nara per wala sax lu ko gëna yees Ramak Sall mo wax lool mais xam luma jaaxal bala covid bi di ñew mom daf ñoo waxon ngir mu doy war Dakar matin 2020 il faut attacher le ceinture parce que ça pourra tanguer il faut qu'on fasse des réformes si on ne fait pas de réformes je vous assure tout ce qu'on a dit là il n'y aura rien du tout en 2035 il ne faut pas se voiler la face hein. Il n'y aura rien et on continuera un pays sous-développé qui va tendre la main, qui va demander de l'aide. Non, vraiment, ça, ce n'est pas mon ambition. faut affronter les forces tapis qui sont des forces qui empêchent d'avancer. Si on n'a pas le courage, c'est pas la peine. D'accord, madame. En 2020, il faut attacher le ceinture parce que ça pourra tanguer. Il faut qu'on fasse des réformes. Si on ne fait pas de réformes, je vous assure, tout ce qu'on a dit là, il n'y aura rien du tout en 2035. Vous savez, moi, le novembre 2019, je vous dis, à cadre APR, je vous dis, ça va tanguer en 2020. Je vous dis, COVID. Donc, le président de la République était conscient qu'ils ont fait suffisamment, je ne dirais pas des bêtises, mais def nañ ay luxor ci walu kom komu Sénégal ba nga xamné atana tun ko te ñepp ko xamone ñepp xamone nañ né dina metti torop campagne bi yépp Idrissa Seck waxnako Ousmane Sonko waxnako na len bes bo len génné ci li bobu xalaatu non covid ñi ngi won 2019 te dina metti torop taux d'endettement bi bari na investir ñu fu ñu wara investir normalement xaliss bi moy priorité sénégalais yi tay ji dette intérieure ba ngi fi cour extérieure dama ko jëlale président Macky ban ko don wax dette bi xam nga lan lañ jox dama ñu don kokkoli ñu nako président li ngay lepp bari na lepp bi bari na mu ne li ana dette bi fan la waxe dette Dakar matin. Ça me ramène sur le débat sur la dette. La dette, oui, la dette, non, non, non. Quelle dette? Dans la dette, nous, on ne peut pas endetter pour faire du fonctionnement ou pour entretenir des fonctionnaires ou des politiciens. Nous sommes endettés justement pour les accès universels. Les populations qui sont dans les zones frontalières devront-elles encore attendre 50 ans pour avoir de l'électricité, avoir de l'eau potable, avoir accès à la santé? Le Sénégal devra-t-il renoncer à prendre part de manière significative à l'exploitation de ses ressources et à tirer le meilleur profit? Voilà la question. La dette, oui, nangam, nangam, le fonds a dit vraiment des colporteurs de mauvais aloi. Très bien, Hasna Nini, des colporteurs de mauvais aloi. T'as dit moi, yuru pour annulation de la dette. Di ko laye covid 19 bobu ñukoy wax legi xama mom neena ñun dañu lepp pour lan men may ñen ñi nga xamna ñi ngi nek normal zone rurale bi ñu mëna am lepp luy jumtu way est ce que tay ji mën nañu wax ne medina wandifa li ñi lepp def nañ fa ben centre de santé bu normal est ce tay yi man nañu wax deuk deukani limay deg juy jojju ak liñ may remonter comme information est ce liñu lepp ci xaliss 1000 milliards terre ban ñariñ lañu amul néna lañ ko guddul fan do ci dugg 1000 milliards mi ngi fi garé priorité la damay laccé Centre conférence internationale Abdou Diouf, priorité la won. Damay laccé. Damay laccé donc. Arena bi priorité won. Mon bu lepp dé. Mais lepp ko dougal ko fo xamné askan bi dañ koy gis ba ñom ci bopam ñoy wax né d'accord na yow ci lepp bi. Ñom ñoo gënon xamné la situation économique du Sénégal avec ou sans covid sera catastrophique en 2020 xamone nagn ko bu baakha ba motax munela motax novembre 2018 mu tok ak ñanam nalen ça va tanguer moko wax mo ne ça va tanguer en 2020 ça va tanguer en 2020 parce que rek bobu xam lu tax Sénégal pétrole bi ñing koy yaakar gaz bi ñing koy yaakar ñu ne ñu neex ño lebal ngay lebal kuy fayé ko 1 milliard nga jël xaliss bi ta va tangé ya ko fi waxone xana bobu salté gay dal la waxone covid day ñew wala rog lo dem na xolum dal ko waxone aujourd'hui les indicateurs sont au rouge. Dañu on est surendetté. Ciowul endettement bi yeb. Degg len ot. Ot bu yott xoma Dakar matin. Xam nga buma défé discoursam le 3 avril dafa né won ministre Amadou Ott sera moins de 3%. Moins de 3%. Ça bi mëna nek 2 mëna nek 1,5. Ñu dem ba ci biir ñu jël les données du premier trimestre. Lo xamné c'est des données, on les a constatées, ñu ajusté avec exécution programme de résilience économique et sociale, avec les mesures du nouveau plan de relance, on aura une croissance économique autour de 1,1%. En espérant que la crise autour de septembre, que les choses vont s'améliorer, en tout cas, par rapport à l'état d'une entreprise. Lors, on sera à peu près à 1,1%. Mais ce fait qu'il y a une crise du continent, bah, à octobre, novembre, sous nos croissances, ce sera moins de 1,1%. Il y aura même des risques de récession, comme dans tous les pays du monde. Mais aujourd'hui, on est relativement optimiste, de manière prudente, qu'on aura une croissance à autour de 1,1%, mmh. en espérant que les hypothèses qu'on a seront en fait réalisées. 1%, la noir, 6-1%. Et ben type de croissance, la noir, nous. Comment nous avons dit, la mine du lait comme moi, la mine de nous. Mais ça va. Dakar matin. Affaire bi dafa xawa compliqué. Bima ko ñëkke té ñu né banque mondiale moko wax. Té su ko bam ko waxé ñu né amna cabinet de notation yi taxaw nañ aussi pour dégrader ce réga. Ñu té ci fan président ci rapport utilise ben mot récession ci journal américain. Ma ma japon né mom dafa mënd dal dafa nek ci ben communication bu xawa bu daré réew mi dal. Mu melni lolu xeyna ben bumbu lo ci mom bo xamné ni dañu mëna wax lolu xeyna dem wuti lañ doon wuti lañ bëgg té mu xawa jaxé moy ben ñu annuler dette bi ñaar ñu defal len différer 3 ans ñu ko défal ko Congo défal ko Éthiopie défal ko Tchad parce que li ci yéme moy papa alé ñun confinement bi musul total ben entreprise ñu doon liggéey té ñinga xamné sax dañu wañu seenu liggéey xaj seen personnel ci ñaari xaj non seulement té wulé liggéey mais tay suñ ko doon takk dem nañu ko may liggéey nañ 75% té xam nga né li ëpp ci réew mi comme que informel la ñom daanaka bokku ñu ci ak PIB légui ñu naka jekk banque xati nga xamné ci la PIB du taxaw manam sun croissance ci ñëkk bokkon na ci ëpp doole moy service financier ak telecom té yoyu amu ci ben service bo xamné ni taxaw benen ba ci dess mo financement public mo rek lañ mëna accuser ndax fekk na bayeguñu won kon xam nga mom yaxul ñu dara daanaka ci nawet bet ci bay bi kon liñ mëna accuser tay ne fofu xeyna fa la mermelu mënon am bu met sax momay investissement public may rappelé ne daw banque mondiale ba mi def prévision yi dafa am luñu waxon ne Sénégal mi ngi gëna dépendre en 2020 ci li ñu tuddé investissement privé étranger da loola ñam ko teñkoon ci plateforme yi ci geej nga xamné ñoo ay milliards lañ waroon investir xam nga président né na loola taxaw na tapel dara tapé ñaar yépp xeyna kon ñoom la tuba bi narono yu ci geej ke di geej ci dama ragal né fofu la xeyma ba commencé wacc ci gouvernement Sénégal nga xamné ben problème mu ko def moy donc l'ensemble des investissements à l'arrêt xamna ne kon ñoo fofu lay sukkandiku daan ci lima gis pour mëna mermelu du pour réré nga xam ñorton na né ñet ko ñu dafa ñi pétrole ñet ak genn wal ben ñi tet ko dafa bari da ñox na kon xeyna fofu lañ ko calé daan mais est-ce que nous le timit boku gesto bu nekkul sax mbiru corona parce que ñom yag nañ wax yeen yag ngeen tirer la sonnette d'alarme sur la gestion économique du pays avec l'absence de priorité qui est un investissement. Est-ce que vous voulez adapter? Je pense que nous devons dire que le secteur qui est le Sénégal pour que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que oui. Ouais, ma lay nuyu di la sante ñu ma ngi woti depuis Londres. C'est la première fois nak may woti. Londres. Ouais. Ouais, très bien. Ouais. How are you doing? You feel fine? I'm fine. Ça va? def ko li nga ba jégalu bayam wax la dama doon wote parce que dafa am ben conseil bu dugg sans doon mu laq conseil di wax conseil wax am solo ma bëgg ko yokk dara te jëm jël on est là et on s'est décidé on s'est décidé et que dama bëgg ñoom ñu xam né que dama na ko ci togg ni ci en loin ñi créé yéma fait ben ONG aidé à développer peace à développer développement de pas Il dit, on a trouvé la politique que on va essayer chaque famille. On sait qu'il y a des problèmes pour aider et pour dire trois familles, c'est-à-dire lolu ñu ci jog ak nañ projet bu mat ko def am ñaan jaar avant ci ko ba jog ci Sénégal ko def li nga xamné économie tag économie de chaque am bop ene lolu nonu am té ak pour ci mëna jaar ci jël ci tax ñu ko fay ci shot wala jël ko def ci lolu du mëni ñu ci bon ci dara dañ ci dugg dafa chaque fam té ci waru ma dara tay ci nga bon ci do man yéw xamna né té takal dañ ak dara buul dara donc d'accord très bien ala nit ko donc ay jeune ñoo créé nit ko té dinañ ko def inshallah ñaan ñu yalla avant inshallah yalla yalla mo teli lepp Jerejef, merci voilà. beaucoup. L'ENU, c'est une très bonne initiative hein, pour nous mettre de New Holland, rien au passage également. Merci beaucoup, mon cher. Allô, Alain, on a des flots. Parce qu'au fait, tout le temps, on appelle, on dit que tu parles, tu parles, tu parles. Wax bi mo fi ci yeex ak wax bi tamit taxul dara changer dañuy wax ya ngeen di éveiller les consciences sont éveillées mais c'est juste que waaji dafa jënd ay arme jënd ay auto jënd ay sole xamna fu mu jëm ak ragal la donc nit bu ragal mom day sam bopam te su samé bopam moy être mom moy lenn mo meuna nek da ngeen ni ma bayyi ma recc dem ngeen ben ma dégg jam wala ma fay ci def ci nga xamné ko le ci ragal on a pas le fu mu jot ci ak kess fu mu jëk def nako won nañu ko baangé ngi bi on ko cache ko ak dañ wax deug te yaa mo dañ xamna ne ko buñu yobbu moy da fay def da fay togaat wala da fay ko dañ ci mu reccu daw ci affaire la très bien ak ni ay responsable merci beaucoup dañ jup ci ay responsabilité nañ yor ñu deug du ñu les jeunes téma tek et tous voilà il est parti on continue avec Maissa Babou sur la gestion économique du pays avec l'absence de priorité qui est un investissement. Est-ce que nous voulons d'abtaïdi? Ken tay ñom ñom ñi politique so togon ak ñom taw bu la waxé la nak bi fi lañ bëgg jëgé dem fëlé mbay mi muñ la né fi lañ bëgg jëgé dem fëlé ma sama akula taala lay wax ma ngi gëj dégg stratégie ci bay ak cham so wala ñaar yoy ci gwana ñu bind ko mu leer du am ay étape de développement yo xni ku ko topone ci juroomi at da nga gis né té xay wala defu bien que échec la mais au moins il y avait une lecture da fa leeron dañ doon gis ne li lañ bëgg fi lañ jëm mais loolu tay dama gisul benn pàcc boo xam ne ni tay stratégie bu leer trené ko kon non seulement tay dafa mel dafa wone ne réew mi bu fekkente ne dañoo tënku ci investissement boo xam ne ni plateforme yi coobe ako rota ci biggigg moo waroon a téye kon koomu réew mi kon dafa mel ni kon bi réew mi dafa nee sax ndax wax dëgg yàlla tëjur bi yàkkul entreprise yi ñu doon liggéey man gisuma lu tax ñu naan mbir ba jëmb ñu saro loolu xaw na ma yéem tuuti ci réew moo xam ne nii essentiel croissance am ci ay service la woon te service yëpp ñu dox marché yi les marchés aussi marché ba taxaw vraiment calcul da ngay dem ba ci biir neena est ce que sax du lu gouverneur xam ne gën a bëgg ndax xëy na nërmëlu bi da naan léegi su ma fi taxaw ci nërmëlu bi dina am liw bor yu dii si xaw ma wàcc wala ñu di jàpp. yaa ngi dégg dil bi loolu la covid bi la nar a laxas lépp seen tële seen ñàkk mën seen ñàkk xam-xam la nar a laxas ci biir covid bi nag te ñoom si biir covid bi dem nañ seen corona business ba mu neex séddoo nañ li ñu war a séddoo pàccoo nañ li ñu war a pàccoo ba pare ne tekk nag di wax ne waaw covid bi wax ci bëri ñu bari ñu ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu tar petite moyenne entreprise bi dama leen yërëm dette intérieure baa ngi fa xuus xam ma daf fi nekkoon covid bi ñëw fekk ko fi lu lay layee fii lañ dugal te bu ñu doon dugal sax xaalis bi ay marché yu leer nga ne waa baax na jàll kon gars yi il faut ñuy waxante dëgg parce que li ma leen wax rek a ci nekk li ma leen wax dong moo ci nekk ils ont vu gis nga même bu covid amutoon dara amutoon ñëpp gis nañ ne Sénégal ni mu doon doxee ci wàllu koom-koom priorité fii leb fii alal leb gu dul jeex liñ fi def ci leb li ñu leb ñun parce que ñoo neexoon jànq bu neexal la ba lañ xam nga lu tax pétrole bi dina ñëw gaz bi dina ñëw ñu yaakaar ko nag di tëli-tëli defuñu benn prévision tey baril pétrole wàcc na ba jaratul dara est ce que mën nañ wàññi essence wala gaz wala mënuñu ko wax ji nag mooy loolu te et puis c' est une minorité ñooy accaparé les richesses de ce pays loo gis 3-4 groupes bi ñoo koy séddoo ñeena ngi dégg temps yee passé may lire ñu ne Abdoulaye Sylla Dame Diané en disgrâce au palais mais seen homme d' affaire lañu seen homme d' affaire lañu ñu la joxoon titre foncier ñu xam ne l' état va récupérer le titre foncier du port minéralier de Barni ñoo ko wax de l' état va récupérer ça titre foncier boo ko joxee ne mu yóbbu ko ci banque banque lebal ko alal ju bari loolu lay jariñ kon situation économique bii ñuy dund mënuñu ñoo gëm loo ne c' est provoqué uniquement par covid allo salaamaaleykum waaleykum salaam waaw allo ñu ngi lay ziar te di la ñaanal ni ngi lay delloo ziar bu wér di ziar waa laaj bi yëpp waaw ni ngi lay fay ziar bi ma jaare la ko sama tur ilaahu akbar waaw Ibrahima waaw allo may wax tuuti rek ni réew mi war na ma jàng ci wàllu ndeng la mooy aw nit daal bu ñu amee lu bëgg te xam ko te dogu ca borom fekk ci léegi kon waa ndeng la wan nañu ni suñ alal yi su ko jalgateetee te li soxla jot war nañ ca mën a jot du benn yoon lañuy def marche rek daal toog suñ kër wala ñaari yoon mbirum pétrole bi ñaari yoon lañ def marche dem toog suñ kër mbirum sénégalais bi ñaari yoon waa ndeng la gis nga leen kii ko guñu ñëw na xam naa bu leen jalgate sa kër dina wax ni dig nañ leen bu ne waaye teewu ni xam ni seen bii boo leen gën a bim mën a ba gis nga leen lene di ñaan tamit ñoomit ni état moom dafa xaw a de waax nan bàyyi xëy ci négociation yi ci suuf ndax xarin leen seen biir état moom loolu mbirum la waaye nañ ci bàyyi xel te xam ne bu nawet bi jeexee nan sàmm seen suso te xam ne moo lu mu leen di jariñ ñoom xam nañ ko te ñun ñi dëkk ci àll ba doon bay ñun xam nañ suuf si li mën a jariñ ak bekk kenn ku ne xam nga ne xabaaru Sénégal ñaare du dara surtout borom alal ñaari bu la jëlalee benn doom ñaari doom mën lay jël ci seen société yi lan leen fay du mën a yor sax kenn koy fay sax du mën a bëgg a yore woo jëlam nag. comme nañ sabu ci instructions do wax Sénégal nak ab jangal la man de yalla xam na ni bo legui dama ci xala da xam ni jangal bu reey la xam ni bi aw yalla ci ni lepp dañ ci wëti ta dog ci man nañ ko am ci mbokk ndax nak mom dogu rek pass pass ak ful la fayda ñu non dogu ak ful la fayda xam ni waye ñun mom wax deug yalla am na ko dugg legui di wax ni am reew xalé yu ko mëna ci wax na deug jëru ni xal politique ya manam na tout ci ñu ñëw ci ci yoon bi na ñi ñi leen bokkal ñi di nekk ci la même am na tout ci mu ñu ñoo sopp lu baax non politiciens xam nga gën nga wax di dafay bari ñu wax amna 365 partis bo dajalé sen militants yépp matuñu 1 million de personnes lé la je suis en dit té bo jëlé ñu na fichier électoral bi 6 million 340000 électeurs la wa légui 5 340 000 électeurs yoy non lañu def ñoñu bu taxawé ñom ñoo ñu rew ñoko jël li li no kon ñu ñoko di ñoo war xolax suñu bop bu baax baax ta ak tunda dem bi mu le dama wax ni dañ ko jëlé waaj 2024 waru no bayyi ba tayu bari waru no bayyi ba tax ay 2023 def ni 6 mois néra jot nga suñu carte jamono ji lañ wara fa tax tuddi ci carte jëm ci wala je pense que je vais faire ben li nga xamne deug la mon travail de sensibilisation pour gaayé au niveau de la famille ñu juk légui juk li jënti ay carte té carte man da lool lay gëm jamono ci lañ ko wara wuti té ko jënt ko buñ bayyi mo ñaari fan nepp fan li xat xat bo jottuma ko wa jottunu ko pap ale jottunu ci lu carte fi yeul lool té amna fu nekk ni job bi pour def ko d'autant plus que Sénégal est la seule démocratie bo xamne président de la république mo xam tan lañu organiser élection wa li c'est grave na fo mu le ginaasu wala nga na jottu ko massaaw rek po bindu wala xawma ko fan ma kiyé damaay dégg ci da xam fu la taxal ci no taxo nga jar nga jaxa jël ak nga dem ko fo def ko jox ko digi sa ba tay gëru jërëjëf wa wa ndeg la di dama ni ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf fu la ñam ak goré goré lañu am gaay ma may len ban ci njut njaay wala non il faut ngeen réagir hein mané man wésuna légui fu may défé ay njut njaay xama bo dafa gagné deuxième mandat mané man légui bayina légui njut njaay kon mom d'accord na ci premier mandat bi def ni ay njut njaay ba am deuxième mandat ah ma ñew ci njut njaay wax len gaaw gaaw man dama bëgg xam rek ñoo rek parce que xam man damay xey di len ligéyel ba heure bi ay ci Dakar Mata. Ne dama bëgg confiance am suñu biir dialogue bala won mu ne dama bëgg confiance am suñu biir man nekkutuma ci ay njut njaaj amatuma luma wara njut njaaj tamo luma njut njaaj eh président wa koy faale de pet da bokay faa des fois quoi Dakar Mata Allô, salam alaykum. Wa alaykum salam. Ñan baalu. Waaw, ma ngi lay ziar de. Ma ngi dello ziar reen meru famille la. Ah, xamna reen meru famille la kay. Ba nga ñeng baalu, yow ya ma koy woyé. Ñu lay pégué bu baax ba. Dénga président néna ma nekkuma ci njut njaay. Ik sa amatu naal mu njut njaay. Man day li ma naxay rek colporteur yi ñu waxe mom na fay def intérieur bi mo gën. Non. Ñu ngi sonna nañu suba suñu xey jarang buntu trésor, te et puis degna ci ay président Macky Sall rek degna même au temps de Wad c'est par facture arrivée lañ dañ fay mais ci mom ayam la lañ tan ku ñuy fay ku ndul fay lool di deug la lool de man mën na ko deugal hmm taw président Wad di wax deug yalla man amone ben bon bu taxawalu trésor bu fa ñëwé gën ga gatt ñett fan ma jox sama xaaliss wa waye mom day bossam ah fa nga dugg te fa nga fu ne nga am lo fa bayyi té am ci am na benen timit bu ma yegoon côté ministère bobu fofu timit moy am ñuy jënd dettu nit parce que am nga relation ministre bi mu jappalé la ñu fay trésor bu la waron fay 1 milliard yow nga jaay ko 800 millions mom mu dem fayé ko 1 milliard dem duggal 200 millions ci poste lolu ya gëna fa dé hmm lolu ya gëna ci dé na lolu dégg na ko lolu ya gëna ci dé mën na ko dëggal dé wa okay man day lima bëgg wax rek ñaari affaire la hmm mom bi mi fay Abba Jaber 20 milliards am yi wow mois de mars en plein covid wow taw ñu ngi doot wut 1000 milliards pour mëna xex fébar hmm mom bala muy jëma dimbalé Abba Jaber mais té mo dimbalé ay doomu rew ñi nga xamni ñom dañoo liggéey ba paré feuy man lañ ma amel buñ ma fa joxon bo nek intérêt yañ ma ca bolé xana 100 millions buñ ma ko joxé ak sama intérêt sax man ma bal len dommage intérêt ak préjudice mo subir man nak ma ngoy ñaan audience parce que bidina sama lettre ba yobbu ko ci ambassadeur ba fi France bo baax legui nak degguma dara tay ñew na fi ñew bu gaaw daadi wañ ñeko dem moy bi mi def partenariat am bobu ki nu mu tuddati amna loi bu wudon jallale da tax mu ñew ci bañu enfariné ko waaw benen affaire bi may wax moy dengale waaw man goma ni dengale souf ci souf rek la waaw amna ko mako laaj manako amna ko mako laaj manako lolou fokk mu dem rapprocher wu mais du dama na la du neubou pour nga exploiter ko du neubou waaw mais bu fekkentene mom dengale parce que ma lima mu ta comprendre moy pourquoi ñom ñu bëgg des paysans yi nañu trouver accord ñu baye len ñu bëgg ba hivernage bi jeex ñu ñëwaat pour waxtaan bu fekke souf souf rek la tax ñom mu ñoo jox papa kon ngam fenen ta baye ñoo ñu seen terre Ah, doyna war amna lu fa xew lo xamne waxuñu ko te état bi mo dolel Babacar ngom parce que ñom ñoko jox ci ay kayit ñoko jox kayit de ñoko jox kayit ñoko jox kayit ñoko tuddi ñoo tuddi ñoo tuddi ñoko parce que affaire bi c'est plus compliqué plus simple plus que ça état bi joxe bay joxe titre foncier te pour titre foncier dañ lay wax ne la bo jëlé bay bi ba mettre en valeur nan lañ lay jox titre foncier wa mais niñ ko defé sa dafa gaw waw niñ ko defé dafa gaw parce que mënul jël ci délibération tout suite mu am bayam légui na kéro sa débat sa émission bi ak ta Khadim Samba tok di wax na Khadim kay mo doon wax man xam do ci mo xobé ci dara wa ñun man jundu ci dugg sax ci yoy détail ñun intéressé wu ñu essentiel da ñom ñofa nekkon yo seeni cher bu len président Macky Sall mu né jappalé parce que président Macky Sall ñu ko bi tek pour bu dimbalé askan wi mais téguñu ko fi pour ñom ben minorité de personnes bo wax ñu sax 200 personnes enrichi ci kaw ñu ngi ci do contribuable bi yépp ñuy def lu leen neex ci kaw dëkk bi nit ñi dañoo sonu dañoo tay mais nak sénégalais tayéguñu bu ñu tayé dinañu genn dinañu jox li xew mali nak ñaanuñu ko sénégal ñun dañuy ñaan yalla 2024 jamm mu am ngor gu day né comme mom turukewul njuj njaajul deful dara yalla mayna ko deuxième mandat ñu paré jamm 2024 ku dem ak jamm ñu sét ku mëna yor suñu réew ñu défal suñu réew ministre Ndiaye néna ma tu lu muy ñu jajjé lool da lañuy ñaan sëñ may ñaan nak boy jéxal sa message kéro bi amna solo ci famille parce que ba nga paré au moins amna ñu 60 adhérents comme plus de 60 adhérents na gaay gëna gorgolu dugg ndax ñun ñu ngi yëngu ci famille bu baaxa baax mass critique lañu bëgg voilà mom lañu bëgg fexé ba taxawal suñu famille bi amna nak ñu fi nek nak diñu filtré diñu déglu mais man dawuma tari man kéro wax na ba paré amna ko ma wu man mom lay wax ku may wax ay est ce que ta téléphone nekul sous égo mar la ndërul ñu ko écouter nañu écouter keneen man lima xalat dina ko wax fo ñu wax na ko ci famille amna ci lifa guma wo néma yow dañ dañé won nga xaar ñu rek la affaire bi ci souf mais dégg dañ nga def ben intervention ci papa le man dawuma tari man ñaanuma tartuma dama liggé ba paré dama na la la dama dugg fi di del live bi rek amna ciow luñ ma wax wala manaleen da ngeen djugul ñina deg na koku wona la telephone xoma lan di wax affaire ki manako da ngeen djugul ku djug do ragal ku wo papa ale ah man dal dawuma dayu sama baat ni photo ma ngi baña yag ci ligne bi di ziaré ak famille bi yépp jërëjëf la ngi gëna encourager yalla yalla yatta sa taxaw amen amen amen amen amen jërëjëf voilà donc légui nak gaay amna ñun dose bi faut ñu jël dose bi aussi Dakar matin nul ne peut faire deux mandats consécutifs la constitution est claire donc il n'y a pas de débat en la matière mandat yobu ko jorom ñaar ñu ko joromi at te kenn dootu ko laal mi ngi ci biir donc amul troisième mandat amul dara ndax te ci wañi ba ñuy wañi pour xam nak ñaari mandat yi am na bi moy def ni ci la bokk donc lolu dama bëgg sénégalais yi def ko bu baax amul risque troisième mandat wañi bi bi bokk na ci ñaaral ba muy diir moy mat bu mucc donc lolu war nañ ko tek bu baax Dakar matin bu fi dogati ñaari mandat kessé dama ko def li ci xewon nga xamni da ngay xey suba ne man dama bëgg troisième mandat modifier mu ne lolu dañ koy verrouiller ci constitution bi def ko clause bo xamne kenn dootu fi di abagat kenn dootu ko fi mëna changer lolu moy li président gëm Dakar matin je me rends compte que les gens ne lisent pas le texte si les gens continuent à dire que il est possible que le président fasse un troisième mandat je dis peut-être qu'on n'a pas lu L'article 27. Et notamment l'article 27 qui dit très clairement nul ne peut exercer plus de mandat. Le projet de révision de la Constitution est très clair. Nul ne peut faire plus de mandat consécutif. Nul. Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se pose pas dans la Constitution du Sénégal. Vous savez, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question. Elle ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul, on n'a pas exercé plus de. Allô? Allô? Allô, oui. Oui. Top Ali? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Yare? Oui, Santi Alhamdulillah. Alhamdulillah, mon nom c'est Mamadou, j'appelle de Londres. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Londres. Londres. Ok, ça va? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ouais. Mouna? Aïe, y'a rien en direct? Ok. Ok. Bon, les gars, moi, je voulais dire deux, trois mots. Je pense que sur le niveau économique, pour revenir faire un peu d'historique avec le FMI, pour remonter aux années 93, quand ils ont fait la dévaluation, oui, la le problème avec le Sénégal, tout à fait. On accepte que le FMI et la Banque mondiale nous disent d'ouvrir notre économie. Et c'est là le problème. Mm-hmm. C'est un des problèmes. Mm-hmm. Au lieu de renforcer notre économie intérieurement, notre économie n'est pas forte. On laisse les étrangers venir ou les multinationales utiliser nos matières premières et influencer notre politique intérieure. Mm-hmm. On a bien vu que ça n'a pas marché avec la dévaluation et continue toujours à le faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est mon premier point. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ça, en fait. Avant qu'on laisse la Banque mondiale ou les FMI dicter notre politique, c'est à nous de reprendre notre souveraineté. Ça, c'est important. Ouais, ça, c'est important. Deuxièmement, je pense que nous tous, on doit se battre tout ce qu'on a fait au niveau politique. Tout ce que Macky fait, en fait, il le fait parce que nous, en fait, on le laisse faire. En fait. C'est aussi simple que ça. Si nous levait et on donnait notre point de vue, et pas aller se battre avec la violence, mais si nous tous on se levait et on se battait et on se bat, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de masse là. Qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le pays. C'est pas seulement au niveau politique, c'est aussi au niveau religieux, c'est aussi au niveau des médias. Il y a tout ça, en fait. Donc, l'honneur avec la Bougawar. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup pour ta contribution. Et puis, du courage, comme on dit. Ouais. Oui, allô? Allô? Allô, Allô, Allô. Wow. Santé, Allah. mor ana wa kaolak baat bi ngi taw fofu fi de dafa yendo taw Dakar tay ah c'est bien ak pour suñu mbokk baykat yi c'est excellent chose yalla fekk na rek ñu yor ju ak luñu wara yor yépp ah hmm ya degele ah ya ngi jëw may sant yalla bu baax wa may en direct wala en en direct kay waaw ah man de amna man may mat pro wote ni ci ligne bi waaw amé problème ak sal na jaal lañu pass na ah waaw man di mom dem xam lu mbëg ci réew mi dé hmm ah mom kay affaire mi mom bay man lo da ngay yéré ba tax tay ñu néla li su ba ñu nalé lay gëna su ba ñu nalé lël ah affaire yéme na dé ah né na war dal ah legi mom nan lañu wax lu mu bëgg té man luma sélu réma ay safa bu wax na 2035 lan la bëgg ci 2035 ah na 2035 da ngay wax non rek kay ah mom kay yondu mu lamb 2035 ay ministre mu genn na 2035 lan la ci bëgg wal dafa bëgg tok ci réma 2035 hmm ah bu fekké lool da bëgg nañ ci wax nak ñeen mom may 2024 mom lañu paré ak mom mom inshallah ah dama lan kat mom bu joté mom day téna so way dama tay bagage sa gaa bon jare hmm dayna war de ah loolu lañ ci bëgg de ezra li nga wax rek moy ñu jëma farlu wut kalande yi dam di jënt kalande yi hmm ñu paré taxaw nak 2024 bu joté rek ya ma gëna xam ah waaw ay mom ba dañ ñu bëgg rendi kay ñu kay ñu jaarale ko ko gëna yom mais nak buñu 2024 mom buñu dégglu ay wax yu neex de parce que man dal légui waxi politiser dal lotu mu ci soxatu lotu mu do allo wa ñang baalo waaw ma delu ci wa dama fatere wax ne wax na gaay ci family waaw nañu tali soratul muñ soratul muñ waaw lolu la ñom aro na sar di baña deg waye bu yebal ñu tari soratul muñ ta gi mo wax ma faton ba bobu la la bëggoon ci tal ta gi mo wax man ah non man ngay soratul muñ bi mom bi fu jukoy tari allo allo babale waaw ak cham café waaw hey wa café na ngeen def wa so wa ñi ngi rek ah wa dañu bëggul jiw bi ñëw na wala ñëwul parce que taw bi bari na di wa bari na trop bari na mais nak ak café mom tok bi bari na mais yaq bu fi dara ah alhamdullilah yaq bu fi dara alhamdullilah deuk abdoulaye wilan waaw deuk abdoulaye wilan waaw wa xam nga situation économique bu Sénégal man dama jappulé ñom président Macky Sall li muy wax ni naka jek ay taux de croissance ni ay li ni nangam ak nangam man dama gëm ni man dara du ci deug lima gëm moy Macky Sall amna chance ñoo bi ñew 2012 fekk na Ablaye Wade defon ay jéggu yu réré nek mal gouvernance mu ngi won ci nguur Ablaye Wade mais defon na ay jéggu yo xamanteni ni mom amna chance ñew fekk ci lolu fekkati encore surtout bari pétrole bi non ko ci xalis bu bari donc mom nguuram amuton problème xalis askan ñoo amone problème mais mom amuton nguuram amuton problème xalis fekki encore nguur gu bes du doga ñew da ngay am manam bayeur de fonds yi nguur gu bes du doga ñew da ngay am atu bo ci lo premier ci bimu ndika dem dafa dem France dem def un peu obligataire de 80 milliards ben nguur gu bes buy doga ñew da ngay am yo xamanteni yu bari yo xamanteni bayeur yi dañ la ci dimbalé chance bobu la amone mais bu fekkee dene walu liggéey ci walu opkom Macky Sall def ci dara lo xamanteni lu mëna am ben croissance waxuma la 1% mais 0,5% liggéey ko fi parce que moom mi ngi wax ne 3 mois yu COVID-19 nga ne jógee nga 6% da nga ñëw ci 1% mais Ablaye Wade li mu jànkuwanteel diggante 2011 ba élection yi jeex chaque jour manifestation chaque jour Dakar manifestation dara dox dara dox investisseur yi kenn mais est ce que taxoon na ñuy sentir li ñuy sentir ni kon sincèrement man ñi combattre Ablaye Wade ci la bokkoon mais taxutoon man ma sentiron ko mais nguuru Macky Sall moom ci boppam boo xoolee sax ñoom ñooy wax ba paree wedd ci bopp parce que la ñuy wax ak boo xoolee def ji décision yi ñu jël conseil des ministres ak li ñuy wax du doon benn parce que yow soo ñëwee gagné élection sac semence bi nga yokk ko intrant yi nga yokk ko électricité bi nga yokk ko parce que depuis 2017 bi ñu leen di wax ne leen tension de trésorerie yi ñuy bañ di la li jël di xaalis di alimenté seen nguur loolu moom mooy fay tay ji nii te dana gën a métti dana ko metti lool mom bu yebo ñu xam ko kep ko xamne ni da nga yëngatu ci walu kom kom da ngay waxal deug yalla kete ñom mu niru njaay ñom aw wélé professeur Maissa Babou ñom ñepp wax nañ ko bu xat ko ñom ñepp wax tay université yi nga xamne ni dañuy waxal Sénégal ñepp ñepp wax nañ ko waxati ko donc kon situation bi mom ñom amul lenn lenn ci de seulement gouvernance ak mo indi li merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup allô allô allô salamaleekum maaleykum salam pap may andré hein wa ya nga andré wa may wote espagne espagne waaw may wa ben exemple la am Macky Sall nit ñi dañ comprendre dafa melni comme peu puy jaay bitik waaw bu jaay bitik comme mbop bitik bi avancé moli ablawat num fa nekké dafa jëlé Sénégal muy son ki dafa jëgé ci Sénégal bamu dem mo fu sori dëgg lu mo ñu yobbu ni premier mandat yépp dañ xamul choono bi légui da itim dafa xawa daanu mo reus Sénégal ni choono Sénégal bi dëgg exemple bobu la comme waral na yobbu affaire bu mu mënta dem mais dafa dëssal ko mom contrôle Sénégal bi té la da ngay am vision mu ko yobbu légui mom xamna utiliser lu abla préparer yépp pour nous avancer mais utiliser nañ ko mu jéllo lo té légui avancer wu ñu tanu ci ginaaw lo mo ñu sonal tay ah lool mom metti na mu té du neex régler wa le problème bi moy ah koku dem na de mandat consécutif je vais répéter la phrase nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs je vais répéter la phrase une troisième fois nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs est-ce qu'il y a place à interprétation on se pose la question qui est Macky Sall président de la République en 2012 est-ce qu'il est président de la République, devenu président de la République en 2019 on dira oui les mandats étant consécutifs portant sur une seule personne il ne peut plus être candidat d'accord madame fane wëb de gëna ay ciow mo lo xamne daf ma baxal ba ndax da melni lu xilu rek xeyto wax do xamne kenn xamul bu mu joge ak lan moko taxu ciow ndax rew mi japp na ni démocratie da koy tok 2007 man ma proposer askenu Sénégal révision constitutionnelle bo xamne dama ni birum mandat yi dafa wara jeex tak ñepp japp ne rew mi kenn mëna tu tok lo ci ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ ñeel na ko faire plus de deux mandats consécutifs ara kay ku jang tuba boko firile lolou wala xamne indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu né mandat bi juroomi at la ben yon lañ ko mëna renouvelé muy donc boko renouvelé muy ñaari mandat ñu yokkat ci leneen du koy tej mais de toute façon kenn mëno développ ñaari mandat yu tégal donc lolu constitution bi wax donc lolu lenn man mang sama ben mandat bo xamne bu ci yalla andé 2019 lay jeex ci ciobare suñu borom ak bëgg bëgg sénégalais bu féké né japp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ko teg ci yoon am nañu seen comité dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci munoo def lu ëpp ñaari mandat yu teg tout cas man mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séntu fépp bamu def si mbir moom loolu dama bëgg ñu wax mu leer te mu yem fi Dakar matin lu nekk lu nekk non waxtu mu daw laaj nga ma laaj bi lu jiitu daw avant may dem campagne ñu ngi koy tek wax la joo xam ne ak lu ma ci mën a tomb day du fay wax te dafa am ñoo xam ne loolu daf leen soxal tey jii suma leen ne duma nekk candidat est ce que xam nga ni sama gouvernement ju bokkoo kenn doo dul liggéey Dakar matin bon si selo lu mu wax ci troisième mandat Dakar matin président à aller vers le troisième mandat on risque de mettre le feu dans ce pays il faut qu'ils arrêtent parce que ceux qui le disent n'ont jamais aidé le président à avoir un mandat. J'ai vu des gens qui parlent, ils étaient contre le président Macky Sall. Ils viennent, on leur donne le gâteau. Et ils disent que Macky Sall doit faire troisième mandat. Je suis contre un troisième mandat. D'accord, madame. Président, à aller vers un troisième mandat, on risque de mettre le feu dans ce pays. Il faut qu'ils arrêtent. Parce que ceux qui le disent n'ont jamais aidé le président à avoir un mandat. J'ai vu des gens qui parlent, ils étaient contre le président Macky Sall. Ils viennent, on leur donne le gâteau. et ils disent que Macky Sall doit faire troisième mandat. Je suis contre un troisième mandat. Voilà, lolo, si c'est lolo. Bon, nous t'agotons. Parce que qu'est-ce qu'on a fait interpellation qui comment ce sont les partisans de Pastef qui amna soxna ci tuddu Khady Diallo xomo mune papa le relation yu rafet nga amono sonko xomo lan mo len jaxa xomo je sais même pas bay len ça c'est des vues de l'esprit yene ko xalat c'est des vues de l'esprit ci yene amuma ben leader politique problème même président Macky Sall amuma mon problème xam taw ak mon problème mi ngi gérer gestion dañ koy xol diko auditer Ousmane Sonko mi ngi ci opposition bi jam nañ sekk ak mom ak salam Idrissa Seck naka su mom nañu kazalika Khalifa Sall naka non leader yeb jam la sekk bi Ousmane jotté wuñu dara bien au contraire jotewuñu dara amuñu benn problème buñu am bu ko jot bi mayé len déggenté téléphone kon yoyu yene ko duggal sen bop genn bari amna ba ngeen ko jige wax sax dama paré live bi ci guddi gi yalla dafa def ñuy wax téléphone manako ma yow sa partisan yi dé ni ngi wax né ay xoma munama ñen munama bay leen fofu ñi li wax rek dafa da xamuñu bobu guddi gogu bama paré bi ba wona amna lenen luñu dal waxtane sax yag tuti ci téléphone bi yag man ko yow yusuma man na ñu doga pré live sax ñu may laaj lool donc xam nga il faut ñu dal parce que c'est pas parce que tout le monde Idrissa Seck il a préféré mom pour le moment am temps d'observation mais donc koy nangul kan moy journaliste buy dox ci kaw souf fi ci Sénégal te bëggo am comme invité Idrissa Seck amul té journaliste la suma soñu Idrissa Seck suma won tay di ci guddi dama papaliste di takkor une interview exclusive mu jubali kërëm kan mo koy bañ Khalifa Sall nako non Ousmane Sonko nako non mais ñom timit ils ont leur propre stratégie de communication bo xamné sen parti ñoo leen koy tëggal ñom ñay xol né war nañu genn wax war nañu noppi war nañu def observation war nañu xol ben stratégie du comme dañ leen koy nangul lool doomu la amuñu ben problème ak kenn ci leader man bok président Macky Sall sama fima tok ni fima gennu mo na ma wax madam tok mo wax ma wax sama xalat wax na ko li la xalat man du té suba suma waré ñew tok fi wax limo wax mu jëm ci njariñu askan bi def ko kon gaay lolou dama bëggoon leral parce que day biré interpellation té ñu bëri xamuñu nu mu démé den sant len gërem len dig dajé jeudi hein voilà jeudi demain j'ai Mamadou Lamine Diallo face à Pape Alé on va parler de Tekki qui est économiste comme ngén donc mom lañu waxtani walu kom kom lañu wax voilà Allô. Malheureusement. Allô. Allô, oui, papa. Oui. Oui, ça va? Ça va bien. Ouais, intervention pour nous régler la bouquette. Ni les deux. Ouais, parce que bi passé dama déggone ci émission ben way nek ak café lañ leen jox semence, waaye semence dafa bëri woon ay tànn. Waaw. Mais Pape Alex, il faut mu bëri tànn parce que circuit bi ni mu demee moo biaisé. Parce que boo xoolee opérateurs yi yiy jënd gerte gi, ñoom baykat yi ñoo leen war a jaay gerte gi. Mais baykat yi bu ñu leen war a jaay gerte gis benn chinois bu ñëw taxaw seen kanamu tool di leen jox prix bu baax par rapport ak producteur bi dañ ko koy jaay. Léegi chinois bi day jël qualité bi gën a baax. Li baaxul mu yóbbul ko kii bi OPS bi. OPS moom lay jël jox ko sara ko facture yi opérateur yi benn partie bi ne moo may gën a nekk remède. Très bien, merci beaucoup. Allô? Pour cette explication. Non, mais papa, là, je veux dire, mais malheureusement, je suis fin de l'émission. Il y a une fin de l'émission, je suis toujours là, peut-être générique, parce que comme je suis là, c'est pour ça que je suis là. Regardez, je suis fin de l'émission, c'est que je suis dit, il y a plein de choses que je suis dit. Je suis dit, dakarmatin@gmail.com, je suis dit, laissez-moi ce numéro, après, je vais vous expliquer. Dakarmatin@gmail.com, tu m'envoies un mail après. Parce que donc, pour lire, c'est très bien, c'est des expertises. Papa, moi, en 2018, j'ai investi avec mon grand frère. Nous avons eu un problème qui était sur la production. On a investi presque 12 millions. Nous avons eu un problème. Papa, nous avons eu une transformation, nous avons eu un problème qui était sur la construction. Nous avons eu un GIE qui s'appelle Razia. Nous avons eu un problème du Sénégal. Les dirigeants nous ont bloqué. Mais le Sénégal en nous-mêmes, mën nañ ko defar produire ko consommer ko par nous-mêmes ci moins cher. Té ñu ngi consommer lo sénégalais des huiles de d'olive, manan huile d'olive, des huiles de tournesol yu kenn xamul à 1200 francs. Té huile bi ñu am ni mën nañ ko consommer lo nit ñi. Xam nga yow noy def. Ñu ngi wax ni dafa am importance. Légui Dakar matin. Cole@gmail.com. Ma ngi koy def légui. Légui envoie-moi un mail. Après, man may jël des jours dina la wo, on va en discuter, peut-être reposer. S'il le faut, jeudi, voilà. Jeudi, ñu expliquer sénégalais yi mu leer ci. Man do def papa le. Papa le man do def lima lay wax ni Omar Faye bu leer askan bi taxaw na man ak mom ñeu jakarlo keur. Mais il a fui les conseils que je voulais lui donner. Mais dama né damay dugg Dakar matin, damay forcer, il faut affaire bi fecc. Parce que problème sonna ko ak tuddi yi ren di ni. Ak le ministre de l'agriculture, ñun ñep ñu ngi dans le système xam nañ bu baax comment ça se passe. Ren di on a vendu des semences à 1000 francs, 950 lañ ko jaay, du jamais vu. Am na ñoo xam dañu. Mais yow yaay yak si je lañ bëgg def si je bi. Dañu jël seen xaalif, seen amuñu kër. Amuñu kër, dañ ko fédal xaalif. Wa légui. Waaw, man ko do baye jeudi ñu def affaire. Man koy def légui ar Dakar matin. Waaw, jeexna. Man koy def légui man envoyé pour sama Boubacar Diallo sama numéro. D'accord. OK, attends. OK. Voilà, gis nga c'est important expertise yi ñu xam lolu. Dil bi yeppay tej. Senegal is a good guy, and you can't get your name out of the way.